en manque, on est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, écarte pas tes fesses. On est en manque, on est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. On est dans la haine. Pourquoi tu parles pas, pas, t'as dans la scène. Moi je ne fais que du lourd bloqué. En bas de la tour, pas de trophée, on sait. J'en ai toujours trop fait poser. J'arrive sur le pitch, vite tu te dis polké, polké. Ouais, tu peux te moquer, ôter. Ta casquette est montée, compter. Les secondes affrontées, le monde est foncé. Même finir dans les ronces, même si mes sons tu les as poncés. Je ne tape à la maison, y'a pas de concert. Abusé, ouais, tu sais, j'attaque à la raison. J'en ai fait des sons, c'est sûr, écoute. Ça m'a rien rapporté en ce qui me concerne. Défoulez-vous sur le microphone, trop d'évolution. Dans mes sons, depuis pro-évolution. Pour des pros, y'a pas de solution. Où sont les sous, on s'en bat les couilles s'il y a trop de pollution. Smokey, c'est plus longue de Sky, gros, j'fais une fierté. On t'agresse les oreilles sans te faire de mal, tu parles, ferme ta gueule. Quand le boss parle, quand le boss parle, quand le gosse parle mal. Y'a pas de tueur dans le rap, donc pas de parapal. Que des enculés qui veulent se taper ta face, qui veulent se taper la fiche, qui veulent se taper ta fille et la femme à la fois. Loin d'être populaire comme Balavoine, reste le rap, on t'a pas la voix, on t'a pas la voix, c'est ça, gars. En plus de ça, t'es pas calé, et tu me parles à moi. En plus, t'es pas la paix, pas la quoi, personne ne te connaît par là-bas. J'vous enterre dans ce putain de rap, toi et tes collègues, j'rallume mon masque, on se lave à de soi. On est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, écarte pas tes fesses. On est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, t'en es dans la scène. On est venu déterminer. On est venu poser. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu cherches du shit, tout a cessé. Mais ça fallait oser. On est en manque d'oseille. Donc, viens là, je vais t'acquiller. Je vais te faire voir mon émerveil. Rêve peut partir, tes narines touchent tes oreilles. Tu sais comment ça se passe, parce que partout c'est pareil. On côtoie la même poisse, on côtoie les mêmes rails. Tous les jours, on est là à errer dans le quartier. Je vais pas te mentir, d'un côté y'a le BM, de l'autre DD. Pelé quand y'a les stars, parce que le permis nous l'ont sauté. Semi la vie d'artiste, semi la vie de cité. Semi sous la tise, en contrôle, c'est la GAV. Nique la police, je baisse leur mère si seulement ils savaient. M'sieur, mais ça c'est fini pour vous, vous pouvez remettre vos lacets. Père de Gucci, c'est la moitié de ta paye au pareil. On se détend là, on se détend là. C'est pas pour autant que je vais arrêter de foutre le souple là, mais oh. On se détend là, on se détend là. Au passage, j'en plus que pas tous mes frères au cap là. Et si t'es pas content, va permettre ces crimaux là. On est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, écarte pas tes fesses. On est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, t'en es dans la haine. Ok, le morceau c'est trop pas au poteau. Ta tête dans un braco. Ma vie dans un taco, chapeau, gros bif, j'ai mon polo, ok. Ok, maritime scène, faut que le commissaire. Pour faire entrer le bif, t'inquiète, on a les commissures. C'est la débrouille, c'est vers qui nous forme. Un fond de commerce, la tête, somme sous cellophane. Si, si, mon pote, on sait qui sont les hommes. Polo, t'as pas d'avenir, si, si, on sait qui sont les ânes. Oh, hey, ne parlez pas de la rue, c'est la merde. J'ai vite compris que les straps se la mettent. Embarqué dans le bis, les affaires, t'as taniqué, t'as. Avec l'oseille, salope, j'ai pas ça, il veut des problèmes. J'ai fait du mal, j'ai cogné à Paris, fils, qu'à pas t'es mort, mec. Wesh, ma gueule, et c'est pénal, c'est la patate qui couche comme mort, mec. On cherchera lisse. Car c'est la haine, son pays des merveilles, le ventre vide, on manque d'oseille. Mon 7-6, ça tient la relève, on est. On est en manque, on est en manque d'oseille. Tu vas faire quoi toi pour moi? Tu vas pas faire ma traite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans la haine. Pourquoi tu parles toi pas, pas, écarte pas tes fesses.